s'appuyant l'un contre l'autre dans le bois au bord du ruisseau, lorsque nos corps devenaient à nous, lorsque chacun de nous s'appartenait dans l'autre et que ensemble nous avancions, c'était alors aussi la teneur du printemps qui passait dans nos corps et qui se connaissait.